بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. فهذه نصيحة لإخواننا حفظ الله الجميع في مسألة مهمة جدا، وهي ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعية، traduit en français les réseaux sociaux. Ces مواقع, que ce soit forum, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les groupes dans, avec certains programmes pour communiquer, celui qui ne fait pas attention, qui ne fait pas attention via Adelbab, ça peut ouvrir des fitan azim. Parmonir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذه نصيحة لإخواننا حفظ الله الجميع في مسألة مهمة جدا، وهي ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعية. traduit en français les réseaux sociaux. Avec des programmes pour communiquer. إلى آخره، معروفة عند الجميع. وهذا في الحقيقة سوفر سي مواقع، que ça soit forum, que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit les groupes dans, avec certains programmes pour communiquer. في الحقيقة celui qui fait pas attention, qui fait pas attention via هذا الباب, ça peut ouvrir des fitan عظيمة على المسلمين وعلى نفسه. فلهذا العلماء حفظهم الله يمت en garde contre هذا الأصل. et ça là vous تنتبه له أخي الكريم، أن الأصل في كثير من الأشياء c'est الإباحة. la base dans ces choses et dans beaucoup de choses c'est que c'est permis. لكن si tu fais pas attention الشيطان il peut t'égarer خطوة خطوة. لا تتبع خطوات الشيطان قال عز وجل. خطوة خطوة. Une chose à la base c'est permis et il t'égare si tu ne fais pas attention. La plupart des frères utilisent هذه الوسائل لكن لا بد من التنبيه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إلى النصيحة في هذا نقرأها مختصرة. قال حفظه الله اعلموا أن أعظم المعوقات عن الاستقامة هي الفتن. صحيح. انتبه أخي الكريم من الفتن. Que ce soit cette fitna الآن qu'on va parler ou d'autres. لأن الرجل أو المرأة ils peuvent être à l'استقامة لكن il y a des choses. انتبه. T'as des ennemis, t'es pas tout seul. الشيطان وجنود الشيطان وأهل البدع والجهال. ربما cette استقامة ils font tout pour t'enlever. أنت انتبه لهذا. قد يقول قائل comment on peut se préserver أولا avec النية الصالحة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثانيا avec العلم. T'es à la ilm. Tu crois pas tout ce qu'on dit. Tu propages pas tout. T'écoutes pas tout le monde. T'es à la ilm. Ce ilm va permettre de filtrer. الحق من الباطل بإذن الله عز وجل. كذلك revenir à أهل العلم. لأننا نحن on est des طلاب علم. Alors certains de nos frères qui écoutent c'est des ولله الحمد ils sont à la sunna, ils sont à la khair. Pour arriver à comprendre des choses ou certaines choses ou beaucoup de choses on doit revenir à أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ الفوزان التي تصد عن سبيل الله وتوقع في الضلال وما أكثرها في هذا الوقت. صحيح. أما نحن في زمن de فتنة. فتنة partout في البيت en dehors du bait في المسجد en dehors du masjid الكبير الصغير المرأة الرجل dans les pays muslims dans les pays de kuffar. Des fitan partout. Non, sallallahu alayhi wa sallam. Qala وما أكثر الدعاة الذين يدعون إليه أي إلى هذه الفتن قال من خلال الكتابات من خلال إسيت ديز أوتر شوز قال وما أشبهها من وسائل الاتصال التي انتشرت بين الناس اليوم نعم que ce soit ce qu'ils appellent Facebook ou Twitter ou les salons sur WhatsApp tous ces programmes tous ces choses si tu fais pas attention c'est une fitna mais il y a des choses aslan il faut éviter il y a des choses aslan il faut éviter ça te fait du mal à ton dîn évite akhil karim قال وملئت بيوتهم ما اكثر ما ينحرف المنحرفون بسبب هذه الوسائل الخبيثه هذا كلام عالم مشفق على هذه الامه الى الله رحمه الى الله رحمه يسك كثير من الناس الان يسقعوا كوزو هذا ففي الحقيقه si tu viens peser le pour et le contre المصالح من المفاسد tu vois الان ان المفسده لاعظم et dans notre درس qu'on a fait juste avant في القواعد الفقهيه ان شاء الله on verra une règle المصالح والمفاسد si المفسده elle est plus que المصلحه le فعل cette chose tu dois la délaisser comme le khamr مثلا المصلحه elle est petite المفسده لاعظم الخمر سي حرام قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال فاحذروها يا عباد الله احذروها لا تنظروا فيها لا تدخلوها بيوتكم خاصة c'est un père de famille يا أخي أنت يا دي شوز ربما tu peux comprendre tu peux maîtriser tu peux لكن si t'es pas tout seul انتبه pense à tes enfants pense à ta femme pense à ta soeur pense à ton frère pense à tes parents si ça peut ouvrir un char évite internet مثلا si ça peut ouvrir un char dans le bait évite si t'as besoin d'internet anta tu vas dans un endroit tastafid imma kitab imma kalima imma thumma inshaallah tu reviens et chez toi ils sont préservés ou celui qui peut mettre un code etc ma'rouf l'essentiel le char il est restreint et tu préserves al-ghafilin al-du'afa al-juhal قال ولا تتركوها مع اولادكم مع زوجاتكم فانها هي التي تصد عن الدين عن سبيل الله وتحرف عن الاستقامة وتوقع في الانحراف والضلال ما أكثر من ضلوا وانحرفوا انحرفوا وتغيرت ملامحهم تغيرت طريقتهم صحيح والله كم من الناس vous en connaissez et j'en connais et les frères ils en connaissent أن il était كم من الإخوان il était والله على استقامة على خير il a mis sunna il est rentré dans certains salons dans certains sites الآن avec les réseaux c'est أكثر إلى دي شبه والله بعضهم إذا على خير إلى دي شبه كنت لي غوفيرنور شبهة الخارج بعضهم إذا على خير إذا شبهة الحزبيين مي بوركوا فو بارلي سور فلان مي بوركوا إلا أنه إلي غونتخي دون دي زوندروا دون دي سالون دون دي ريزو سي با على إيزون با إيتي فوندي سور المنهج السلفي الصحيح فاتق الله أخي سيت شوز أن تو بونس كو سا تفي دو بيان سا تيغار سا تفي ربما بيغ تعقيدة تون دين قال ومن أقوالهم وأفعالهم ثم هم مرابطون أو مربطون نعم أي من الربط مربطون أي إسو أتشي قال مربطون ليلا ونهارا أعينهم في هذه الآلات الخبيثة ماذا جاء ماذا حدث دائما حتى إنهم أصيبوا بالمداومة عليها أصيبوا بالإتمام صحيح سيكون من دروغ نعوذ بالله والله بعضهم بلد قرآن بلد علم بعضهم ربما سبخوفك Il y a une coupure entre lui et sa famille. Ba'dahum, il y a une coupure entre lui et le masjid. Ba'dahum, ça lui ouvre un bab directement fil haram, directement au shar. Ta'lamouna, il y a des choses dans ces wasa'il, c'est ilhad wa zandaqa. Kufr. Des sites de rawafid, des sites de l'yahoud, de l'nasara, afkar haddama, ou bid'a wa khurafat, ou juhara, na'oudu billah. L'insan, il fait attention à son dîme. Il ferme les portes et il se préserve. Wallahi, ça te fait du mal à rien, autre truc. Prends un téléphone adi. Un ordinateur adi et inshallah tu prends un disque dur maintenant tu mets du khayr et testafid t'as pas besoin de rentrer huna au vu de comme vous savez hada anna ceux qui rentrent ils sortent même s'ils veulent ilm fin haqiqa il fait rien du tout il commence toujours le premier dars il finit jamais ba'dahum il prend pour l'ilm il rentre dans ce site maintenant il commence au sol salat il commence premier dars s'il le finit alhamdulillah ahyanan il finit pas premier dars il va dans notre site Kitab Tawhid, premier dars, il finit pas. Thomas il va dans notre site, il commence à lire une risala, il finit pas. Wa hakada. Il y a trop de choses devant lui, il n'arrive pas à se maîtriser, il finit jamais rien du tout. Talib Ain, c'est pas hakada. Talib Ain, c'est pas hakada. Wallahi, on a vu, walillahi l'hamd, Talib Ain, fi dammaj. Et al-an, fi sana, on a vu Talib Ain, al-shara'i, al-sa'i'in d'al-ulama. Wallahi, il n'a même pas besoin d'internet, abadan. Il n'a pas besoin. Ahyanan, ahyanan, une mas'ala, une nouvelle risala, il en a pour 5 minutes, il imprime, ou il met dans son téléphone ou dans son disque dur, il écoute, intaha. Amma jour et nuit, wallahi, c'est pas une méthode. Pas une méthode. Comment ils ont fait le salaf? Ça n'existait même pas, ces wasa'il. C'est devenu des a'imma, l'imam Ahmed. Il rapporte qu'il a l'ahfad plus d'un million de hadiths. Comment il a fait? Lui-même, c'est un ordinateur, un rajul, un million de hadiths. Amma nahnu l'an, beaucoup de moyens. Ya Rab, celui qui apprend 40 nawawi. Ya Rab, celui l'an qui apprend 40 nawawi, qu'annahu il a un niveau élevé. Alors que c'est un livre pour les enfants, en fait, c'est pour les débutants. Qala, Cheikh Al-Fawzan, qala usibu bil idman. ذكر أهل الخبرة أن من وقع فيها يصاب بالإدمان. الإدمان c'est une dépendance. C'est comme la drogue. C'est صحيح. حتى الأطباء الآن حتى الكفار ils essayent de trouver une solution pour leurs enfants. Pour والله بعضهم يتم مالاد. Ils mangent plus. خاصة les enfants. Tu le mets devant l'ordinateur. والله ni mange ni boit ربما. معروف. قال نختصر. قال ولو أنه من الأول تجنبها لسلم منها فاتقوا الله عباد الله حافظوا على دينكم أما نحن الآن كثير notre génération ils ont goûté à هذا. On fait attention et on utilise ces wasa'il par rapport au din. On s'écarte du haram, on s'écarte de bid'a wal-khurafat, on s'écarte du jahl et on essaye de ces moyens de propager avec le din. أما les enfants écartelés de هذا أصلاً. C'est un enfant, il ne peut pas améliorer. Quand il grandira inshallah il est à la khair, il utilisera ces moyens inshallah à la khair. Et à l'astiqam. Mais un enfant, un vaïf, là. Devant toi, il va te montrer un nahou, c'est pour le khayr, tu retournes le dos à un enfant, khalas, ma'rouf. Hadi nasiha de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. C'est une khutbah jumu'a, et bi'unwan, al-istiqam. Et certains frères, ils l'ont recopié. Wa nahnu, on rajoute quelques nasa'ih. Nasa'ih de notre frère Mu'afa, Abu Zayd, hafidahullah. Il fait partie des Talab Ain qui était avec nous Dammaj, et il est ma'rouf, c'est un ancien hafidahullah. Il a conseillé qabla ayyam nasiha tayyiba khassatan par rapport au salon. Ta'lamoun an intashara ces salons sur WhatsApp ou autre, annahu un salon beaucoup de frères et chacun il envoie des messages. Hadi al haqiqa al asl c'est tayyib, il y a un ta'awun, lakin il faut faire attention ya jama'a, il faut faire attention. C'est pas tu rapportes tout, tu dis tout. Là, et en fait, c'est pas une méthode pour l'ilm. On est sérieux, c'est pas une méthode pour l'ilm. C'est une méthode pour avoir des informations, quelques fawaïd, tamam. Une faïda, un nouveau livre, un nouvel audio qui est sorti, tamam. Ça se fait. Au lieu d'aller chercher, Wahed, il a trouvé maintenant, khutbah de Jumu'ah, maintenant, la dernière de Cheikh Yahya, de Cheikh Al-Fawzan. Il nous la met, on l'écoute. Barakallahu fi. Amma, c'est une méthode pour apprendre l'ilm, là. Là, l'ilm, c'est bien le masjid, l'ilm, c'est bien le hifz. L'ilm, c'est faire des livres. Faire des durous, c'est ça l'ilm. Amma, une lecture dans un salon, là. Ma'a hada, al-asl, c'est mauvais. Lakin, il faut faire attention à certaines choses. Naqra. Awalan, taqwallah. Al-insan yattaqillah fi hadhihi al-wasa'il. Yattaqillah. Yaqulu Allah Azza wa Jal, ya ayyuha alladhina amanu, taqullah, haqqa tuqatih. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, t'as la conviction qu'il t'entend. Tes faits et gestes, ils sont notés. Par le malaïka. فالإنسان يتقي الله كذلك الأخبار أنه لا يتكلم إلا بشيء سحق قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ففي attention نشر الأخبار et quand tu parles الآن il y a des frères qui lisent qui écoutent tu parles بحق t'as un doute écris pas une rumeur ne la propage pas là c'est haq, propage un hadith, propage un verset du Coran, propage un kalam d'un alim, ulama al-sunna, ben, inshallah t'es mashkour. Kadalik, at-tahri fi naql al-akhbar. Toi, quand tu parles, tu dois être véridique. On a cité le point. Al-an, ce point, fi naql al-akhbar. Wahid, il t'envoie une information. Intabih, akhi al-karim. C'est pas tout qui se propage. Là. Si c'est un frère, c'est un thika, il te rapporte une information, enfin, khabar al-thika, il est maqbul. Lakin, il y a des informations, le frère, il a une bonne niya, lakin, la source, on ne sait pas c'est d'où. فانتبهوا، واحد يبخبر واحد يبخبر حتى لو خبر إلى بخباجي في الأمة، في الأمة أحيانا سد مسائل كبيرة. قبل أيام ils ont propagé أن المملكة العربية السعودية voulait détruire la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم، ما أدري إيش voulait faire un musée، ما كلام فارغ. بعض الناس ils se sont propagés، حتى بعضهم يطعن في المملكة. Alors que c'est دولة التوحيد، صلى الله سبحانه وتعالى يحفظهم. انتبهوا لهذه الأخبار. Ce genre de أخبار ça aucun fondement. ربما ساعدوا من أعداء الإسلام ils propagent هذا. Il sait très bien avec les réseaux الآن ça va très vite et ça chevauche على الأمة. فلا تكون مفتاحا للشر، كن مفتاحا للخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، الحديث اللي في صحيح مسلم. يكفي أن الأمر أن المرء اللي على إثم أنه يغبر tout ce qu'il entend. لا، faut filtrer des choses يا جماعة. كذلك يا des choses c'est حق، des choses c'est حق، c'est savoir، c'est sûr، لكن il y a aucune faïda de propager. ربما dans le groupe il y a des frères, ils ne comprennent pas. Tu cites ce khabar, il est sahih, ça met des choubah à tout le monde. Allez, où le va'ida? Probablement, tu voulais parler à Wahed, parle avec lui directement. Ou si c'est pour se poser une question, on la pose à un savant. Et au lieu de citer le ishkan, tu cites directement la réponse. Tout le monde s'est fait. Qui sait qu'a dit cette fatwa, c'est Cheikh Foulan. C'est quoi le dalil? Qala Allah, qala Rasoul. Tout le monde, Inch'Allah, a pris du ilm. Amma un ishkan, probablement la moitié, ils n'ont pas compris, ils ont des doutes. L'autre moitié, هذا يبغى يرد، هذا من هنا، هذا من هنا، ثم سديفيز، سافي ديفيتن، بس العلم، العلم سقسم، هذا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فتموت خلنا السني الصالح يبخبش باتو، العلماء الآن، تُقرأ كي بخبش كل شيء يعرف، بخبش العلم، pour enseigner l'umma، لكن والله il y a des choses ils propagent pas، ils parlent pas، ils savent que les gens ils sont pas prêts، ils savent que les gens ils comprendront pas، فلهذا il y a des جلسات خاصة avec des tolab ilm, et il parle sur des sujets qu'il ne parle pas avec les autres. Chacun a sa place. Le musulman de ces salons et internet en général, haqiqa c'est le musulman, limada, liyanna, ça a ouvert les portes à tout le monde. Tout le monde dit ce qu'il veut. Un salon, robama, une femme elle parle, robama, un enfant il parle, robama, un talab ilm, robama, un jahil, tout le monde parle. Et wa'adana, il ne faut plus la différence. Kalam talab ilm, ou alim, kalam un enfant, il ne fait plus la différence. C'est une information, c'est une information. Probablement, il ne sait même pas ce qui a écrit. Abu Fulan, Abu Fulan. Antabihu li hada. Wallahi, ce n'est pas min al-ilm. Ce n'est pas min al-ilm, abadan. Alhamdulillah, on a tlob al-ilm avant ces choses. Al-an, on tlob al-ilm, il y a ces choses. Haqiqa, ça ne nous change rien. Bel, wallah, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Kadalik, ba'an ikhwan, il faut qu'ils fassent attention. Ils perdent leur temps et ils font perdre le temps aux autres. Beaucoup de messages, beaucoup de ishkel, beaucoup de regarde ça, Foulan il a dit, tu penses quoi? Ça prend du temps, ya jama'a. Ça prend du temps. Kullu wahid yitlob al-ilm. Kullu wahid il s'occupe. Et un ishkel par semaine, un message par semaine, tamam, tous les jours, du matin au soir, wahid il envoie. Un tarubama c'est un message, l'autre un, à la fin de la journée ça fait des centaines de messages. Haqiqa, celui qui est occupé, wallah il n'a pas le temps, bihada. Wallah il n'a pas le temps. الله المستعان. قال كذلك الحذر من نقل النزاعات والمشاحنات. نعم فلان لا دي كونت فلان سي سي با علمي يا با حاجة والله يا با حاجة سي تو سي كو دو فرير ils ont des problèmes essaye de faire الصلح بينهم et y a pas de مجاملة في الدين الحق c'est الحق chacun il est jugé ou il est conseillé par rapport à ce qu'il a fait. لكن rapporté et amplifié, wallahi, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de haja. Là, le mieux, c'est le conseil ilmi et tu lui parles directement. Là, Allah, il accepte et intahat al-qadiyya. Fait une tabali hada. Foulan, il a dit, mais Foulan, il a fait. Ce n'est pas du ilm hada. Si un rad ilmi contre un munharif, ou même si ce n'est pas un munharif, un rad ilmi, quelqu'un s'est trompé, un rad ilmi, il est maqboul. Amma al-kalam al-fariq, c'est fariq. Kadalik, al-awqat. On a cité, on répète, أن الوقت سي النعمة حديث ابن عباس الصحيح معروف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ تقبطن في هذا دائما دنيا وقت دنيا وقت c'est une recherche c'est un message c'est ta famille à contacter c'est des frères un وقت ثم t'as des واجبات انت t'as une famille tu dois t'occuper t'as du علم ربما tu travailles ربما beaucoup de choses chaque chose a sa place اما ليل ونهار avec ça ثم تضيع الحقوق. Rubama Wahad il a avec son père, sa mère, ils ont besoin de quelque chose, il est daiman téléphone ou l'ordinateur. et son père il a besoin rubama une haja muhimma. Ça c'est la yajouz. Ça te prend sur un wajib. Ça montre que cette chose elle n'est pas tayyiba. كذلك الحذر من تصوير ذوات الأرواح. الآن ces wasa'ils ça propage du shirk كثير خاصة les images. نحن ما parle les images de façade il a akhiré ça c'est haram بوضوح. لكن نحن on parle un التساهل من certaines images عند بعض الإخوان. التساهل il n'est pas bon. صحيح ربما il envoie une image regarde ثم efface là. Là اصلا t'as pas l'envoyé. النبي صلى الله عليه وسلم امر بتمس الصور حديث علي معروف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا تمطخي حديث ابن مسعود حديث عائشة حديث ابن عباس أن بالمعنى أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو نبا أبخباجي هذا نبا أبخباجي دي زيماج أو لا حتى أحيانا سن بتيت زيماج لا الصور نفهم ست بخت نفهم ست بخت بعض الإخوان يتنات في إحراج يتنبوا أي نماج ربما فيها إما حيوان إما نيتخو ميتو ما في إحراج هذا لا يجوز ست وسيلة on a dit الأصل المباحة أما si c'est pour se propager des photos, là, c'est haram. C'est haram. Ça devient un appareil photo, ça devient un appareil pour propager le haram. Ça devient haram. La tadkhul al malaika baytan fihi kalbun wala surah. La tatasabba fi hada. Si une photo, si tu regardes, le malaika il rentre pas chez toi. Thumma ash-shar, thumma al-fitan, thumma al-wasawis, thumma toutes les maladies qu'il y a dans les buyout. Par rapport à hada. Kadhalik, et c'est muhim, al-amr bil ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar. Que ça soit dans ces wasa'il ou autres. Si un munkar, c'est un munkar. Labud min al-kalam, labud min al-hadar. Labud min al-tahdir. Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, fa'in lam yastati' fa bilisani, fa'in lam yastati' fa biqalbih. Anta, tu peux écrire, si un munkar, matalan wahid propage une photo. La naskut. Si c'est dans un salon, matalan, on est plusieurs, la naskut. Fulan ittaqillah, c'est haram. C'est haram. Si on voit que des personnes ne respectent pas ces choses fondamentales, ça fait partie du tawhid. Tout ça, l'interdiction de suwar, ça a un rapport avec tawhid. Falihada, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, il a cité le bab, fil musawwirin, fi kitab al-tawhid. Si on voit qu'un ne respecte pas hada, t'as pas besoin de rester avec hada dans ce salon. Il y en a, il propage du shor. Al-hadar, al-hadar, al-amr bil-ma'ruf wa al-nahi al-munkar. C'est muhim wa altakum minkum ummatan yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. C'est ça tariqat al-falah. C'est enlever le munkar, propager le ma'ruf. Fa ce moyen, si c'est pour propager le ma'ruf, ay as-sunnah, at-tawhid, bien sûr, s'écarter du munkar. Et bien sûr, avec des dawabit, ne pas perdre son temps. Mushkila al-an dans ces salons, c'est qu'il n'y a pas de tartib. واحد il envoie une mas'ala matalan dans التوحيد ثم الريبافيني واحد دنفيق ثم واحد الى ان كيستيون ثم واحد الى ان بروبليم اشكال حقيقه على فا تا بلوس ان ضيق كو اوت شوز والله تا لا بواترين سيري تا با ستاف تي فوا لا ديفيرونس اون اسيز دون اور افيك ان عالم من علماء السنه اي اون اور دون سي ريزو او دون سو سالون تي فوا فرق عظيم. فلهذا نحن ننصح الاخوان بطلب العلم خاصه سي بوف فواياجي سي ديبلاسي عند العالم لوما من علماء السنه. Vous allez voir, il y a une différence à Azim. Nassal Allah subhanahu wa ta'ala dit jami' al-tawfiq. Al-iqbal ala al-ilm, c'est muhim. Man indahou shay, il veut rajouter quelque chose. Fi hada, ou takfi hadi nasiha, naktafi bi hada al-qadr. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج افاخ.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.